Donc j'évoquais juste le séminaire effectivement genre qu'on avait monté à Poitiers avec Marlène Cacquo. Et Marlène Cacquo qui était pendant un certain nombre d'années enseignante chercheur ici à Dijon au début de sa carrière d'enseignant chercheur. Donc j'ai été invité et j'ai essayé de préparer quelque chose sur ces questions, alors avec un titre un petit peu étrange, peut-être pas tellement compréhensible ou lisible, les sciences sociales au prisme du genre. Je pense que dans la présentation que je vais faire, ça va s'éclaircir ce que je veux dire par là. Alors le cas de la sociologie, je vais limiter mon propos à la sociologie, en espérant qu'il y a des sociologues, pas mal de sociologues parmi vous. Je dirais quand même deux mots de l'histoire, de la psychologie, mais vraiment deux mots, pas plus. Sur cette question finalement de la place du genre au sein de la production finalement, de la production sociologique et plus largement de la production des sciences sociales. Je suis à l'université de Poitiers, je ne l'ai pas mentionné dans cette page. Alors j'ai eu un petit peu de mal à préparer mon diapositive parce que j'ai cru comprendre effectivement qu'il y a un public parmi vous assez différent ou un peu hétérogène, avec certaines spécialistes de la question et puis d'autres qui le sont moins. Donc c'est toujours délicat de savoir finalement ce qu'on peut considérer comme évident et ce sur quoi il faut au contraire, ce qu'il faut redéfinir ou préciser. Donc peut-être n'hésitez pas à m'interrompre ou à lever la main ou si vraiment vous vous sentez un petit peu perdu ou si vous trouvez mes propos un peu étranges. Alors, au niveau de... Voilà, pour planter un petit peu le décor, on sait aujourd'hui que, effectivement, le genre traverse le monde social, pour être bref, pour être simple, hein, c'est-à-dire que c'est une dimension centrale, constitutive du social, des rapports sociaux. Alors, on le sait, et on le sait plus ou moins, d'ailleurs, on l'accepte plus ou moins... On commence à savoir aussi que les sciences sociales, et puis peut-être aussi, mais je suis moins compétent, les sciences de la nature, les sciences dures, entre guillemets, sont aussi, dans une certaine mesure, traversées par cette dimension du genre. Je limiterai mon propos, moi, aux sciences sociales, et puis assez rapidement à la sociologie. Mais tout en rappelant, effectivement, qu'on a assisté depuis un certain nombre d'années maintenant à un développement... de plus en plus conséquent, des recherches réflexives, un retour finalement sur les sciences sociales, sur la fabrique des sciences sociales, et en particulier sur la place, l'impact, l'influence du genre, des rapports de sexe, des rapports sociaux de sexe, sur la production savante. Alors les travaux, je les évoquerai un chemin faisant, hein, sur ces questions-là, sont déjà anciens, mais ils ont mis un certain temps à imprégner l'académie, hein, pour être bref, ces travaux, ces recherches étant issus, bien sûr, initialement du féminisme, du mouvement féministe, des recherches, des critiques féministes. Alors, il y a des termes qui sont bien connus aujourd'hui, hein, les silences de l'histoire, depuis les travaux célèbres de Michel Perrault et qui sont aussi... prolongé, accompagné par ceux de Françoise Thébault et de beaucoup d'autres. Hein. Je ne vais pas évoquer, bien sûr, tous les auteurs qui... Les silences de l'histoire, c'est-à-dire, finalement, cette prise de conscience de l'invisibilisation des femmes dans les recherches historiques et la question de savoir si on pouvait faire une histoire sans les femmes. Aujourd'hui, on s'interroge sur la question de savoir si on peut faire une histoire sans les hommes. En tout cas, les silences de l'histoire, de la discipline historique sur les femmes, sur le genre. J'aurais pu citer John Scott aussi, bien sûr, et beaucoup d'autres. Au niveau de l'anthropologie, les travaux sont aussi déjà un petit peu anciens, c'est-à-dire pas si anciens que ça, à vrai dire. Hein. Ils ont peut-être une trentaine, une quarantaine d'années. On fait démarrer le développement, on va dire, des recherches réflexives sur le genre, le traitement du genre en anthropologie, de la conférence et du texte de Nicole-Claude Mathieu, hein, effectivement, sur la construction sociologique des catégories de sexe. Nicole-Claude Mathieu, qui est à la fois finalement anthropologue et sociologue, mais qui a effectivement beaucoup examiné, dès le tout début des années 70 et même la fin des années 60, le traitement des hommes, des femmes, du sexe, du genre par les travaux anthropologiques, pour montrer justement l'invisibilisation des femmes, l'invisibilisation des rapports de sexe, l'invisibilisation de la domination masculine. Alors en psychologie aussi, il y a des travaux qui se sont développés. Les plus célèbres, me semble-t-il, sont ceux de Marie-Claude Urtig et Marie-France Pichevin, hein, sur une certaine cécité de la psychologie, traitant souvent les sujets sans prendre en compte effectivement cette dimension genrée, en prétendant accéder finalement à une psychologie universelle d'un côté, et puis en développant des travaux différentialistes de l'autre, la psychologie différentielle. Alors, au niveau des ouvrages, il y en a un certain nombre qui sont parus des collectifs. Dernièrement, il y en a un que j'ai cité, là, Sous les sciences sociales, le genre. Donc c'est un ouvrage qui est à la fois aussi un manuel et puis aussi une sorte de quasi-traité d'épistémologie, puisqu'il s'agit de réexaminer finalement le traitement de cette question du genre, des hommes, des femmes, du sexe, par les auteurs un peu canoniques des sciences sociales et pas seulement de la sociologie, sous la direction de Daniel Chabot-Richter, Virginie Descoutures, Anne-Marie Devreux et Eleni Varikas. Donc une grande partie, et pas tous, hein, bien sûr, des auteurs fondateurs, considérés comme les fondamentaux des disciplines sociales et historiques, sont réexaminés du point de vue du traitement auquel ils ont soumis effectivement les hommes et les femmes. Et pour les uns, donc, une invisibilisation à peu près totale, et puis pour d'autres, une prise en compte quand même manifeste, très claire, avec pour cela parfois même une reconnaissance de l'apport des recherches féministes concernant cette dimension. En tout cas, l'interrogation qui me guide depuis un certain nombre d'années maintenant, c'est celle de l'influence de la position sociale de sexe, comme on l'appelle assez souvent, ou tout simplement l'influence du genre, hein, mais aussi par là l'influence de l'engagement, de l'idéologie, en tout cas de l'expérience, l'influence de l'expérience sociale sur la production du savoir, y compris théorique. Et cette formulation fait référence assez directement aux travaux notamment de Colette Guillaumin, qui a, je vais la reciter hein, bien sûr, apporté beaucoup concernant ce questionnement. Alors, pour essayer d'étudier empiriquement cette question finalement de l'influence du genre sur la production des sciences sociales et en particulier de la sociologie, j'ai essayé, après beaucoup d'autres, puisqu'il y a quand même toute une littérature sur cette question, de reconstruire un peu à ma façon, malgré tout, ce que j'ai appelé effectivement la genèse des problématiques de sexe dans les sciences sociales, en reprenant une formulation qui est utilisée depuis déjà un certain temps par Daniel Chabot, notamment. Hein, la genèse des problématiques de sexe dans les sciences sociales. Alors le premier point, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement comment cette question du sexe social, des rapports de sexe, du genre, a-t-elle été progressivement élaborée dans les sciences sociales? Et finalement, est-ce que cette mutation, pour reprendre les notions qui sont proposées par un sociologue médecin polonais, je crois, Ludwig Fleck, qui parlait de cette question des mutations, des problématiques dans les sciences, ou alors peut-être même pour parler de révolution scientifique au sens de Thomas Kuhn, si cette notion de révolution scientifique et de paradigme peuvent être utilisées pour le cas des sciences sociales. En tout cas, on peut dire qu'il s'agit d'une genèse effectivement à la fois scientifique et politique. C'est-à-dire qu'il apparaît très difficile, en tout cas, oui, très difficile, très délicat, et peut-être pas pertinent, pas intéressant, de chercher à tout prix à faire la part des choses et à oublier, voire à nier, cette influence majeure des recherches féministes engagées, politiques, sur les problématisations, y compris théoriques. Donc jeunesse scientifique et sociale, c'est-à-dire, il ne s'agit pas non plus de nier la portée scientifique de ces recherches, de ces travaux. Il s'agit plutôt finalement d'interroger cette influence, cette dialectique, comme on disait naguère, ou en tout cas cette interaction, cette influence croisée finalement de ce que les épistémologues appellent les facteurs sociaux et les facteurs cognitifs de la science. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on reconnaît de plus en plus que finalement, cette genèse, ce développement des problématiques de sexe, et puis à un moment donné, cette apparition et cette reprise aujourd'hui dominante de la notion même de genre dans les sciences sociales, doivent beaucoup aux ruptures féministes, à la fois épistémologiques et politiques. L'enjeu pour moi a été de ne pas, à la fois d'interroger, de questionner et d'essayer de voir que finalement les deux pouvaient tenir ensemble. Il pouvait y avoir une genèse à la fois sociale, donc des facteurs considérés comme non pertinents, légitimes du point de vue épistémologique, et puis une genèse malgré tout scientifique, puisqu'il s'agit de montrer que cette influence sociale, idéologique, politique, moi que j'ai appelé plutôt utopique d'ailleurs, a permis aux sciences sociales justement de débiaiser son regard, d'interroger finalement des dimensions du social qui étaient restées dans l'ombre, qui étaient tues, qui étaient invisibilisées, qui étaient occultées, pour reprendre la notion qui est souvent utilisée dans les travaux fondateurs féministes, notamment l'occultation. Non pas du genre, puisque dans les années 70, cette notion n'est pas présente encore en France, mais l'occultation des rapports de sexe, des rapports sociaux de sexe. Alors, rupture féministe, dénaturalisation, dans un premier temps, c'est-à-dire effectivement une critique du naturalisme si fort dans les sciences sociales sur cette question du sexe, depuis... bien sûr, la fondation de la sociologie, et Auguste Comte ou Émile Durkheim sont des bons exemples de l'application de ce naturalisme concernant les rapports hommes-femmes, contrairement à la fameuse règle durkheimienne qu'il faut expliquer le social par le social. Dénaturalisation, c'est-à-dire finalement, non pas forcément, comme les accusations ont plu ces derniers temps, nier le biologique, nier qu'il y a quelque chose qu'on se plaît à appeler la différence des sexes, nier qu'il y ait des différences physiologiques. On ne voit pas comment un sociologue, un anthropologue pourrait nier des processus qui lui échappent. Donc, mais en tout cas, cette remise en question systématique de la part de l'influence causale, notamment de ces facteurs considérés comme biologique ou naturel sur les différences sociales de sexe, sur les inégalités, sur la domination masculine. Donc dénaturalisation présente très fortement, comme ça a été longuement démontré, dans une grande partie des travaux scientifiques, dans les sciences sociales notamment. Désessentialisation, c'est pas très joli comme terme, c'est pas forcément très différent, mais je pense que c'est important de distinguer le travail de dénaturalisation du travail de désessentialisation. Par exemple, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, que les prises de position contre la théorie du genre soient des prises de position naturalistes, mais par contre, ce sont des prises de position essentialistes. C'est-à-dire, il y a une crainte qui s'exprime dans différentes sphères, sans forcément qu'elles soient très concertées, mais qui montre la crainte aujourd'hui tellement forte à l'égard d'une, semble-t-il, disparition de cette conviction, de cette, j'allais dire croyance, c'est peut-être un petit peu fort, mais en tout cas de l'un des socles de notre vie sociale. Les hommes et les femmes sont foncièrement, essentiellement différents. Prenons bien garde à ne pas les confondre, à dissoudre cette différence essentielle. Donc voilà, pas forcément armé, appuyé sur des arguments proprement naturaliste. Donc, je pense que c'est important de distinguer les deux. À partir des ruptures féministes, donc, il a été possible de montrer qu'on avait affaire à une construction sociale, aussi bien des inégalités qu'on considère aujourd'hui comme persistantes. On peut se demander si ce n'est pas un euphémisme. Hein. Des inégalités, de la différenciation des catégories, hein, la construction sociale des catégories de sexe. Il s'agit de dire qu'il n'y a pas un lien de cause à effet entre des différences présentées comme biologiques, naturelles, et puis ce qu'on observe concrètement dans la vie sociale, dans les rapports entre les hommes et les femmes. Et puis enfin, construction sociale de la fameuse différence des sexes. Alors c'est ce qui pose le plus de problèmes aujourd'hui, hein. C'est attaquer l'un des socles à la fois symboliques et sans doute aussi matériels des rapports sociaux entre les hommes et les femmes, certes, mais pas seulement. Alors donc, rapport social, rapport de pouvoir, la littérature est abondante, j'ai pas mis de référence sur ces questions. Sauf peut-être, effectivement, j'ai rappelé la définition de Daniel Kergoat concernant les rapports sociaux de sexe, qui me semble effectivement synthétique et qui peut être développée très longuement. Hein. Chaque terme utilisé par Daniel Kergoat, là, finalement, condense tout un ensemble de propriétés, finalement, hein, des rapports sociaux. Donc ce rapport social est caractérisé comme transversal à l'ensemble du système social. Déjà, ça, c'est important, cette transversalité des rapports sociaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sphère spécifique dans la vie sociale dans laquelle les rapports entre les sexes seraient actifs. Ils sont actifs dans tous les lieux, dans toutes les sphères, dans toutes les interactions, finalement, hein, même entre les hommes et les femmes, et même entre les hommes et entre les femmes. Donc transversal, bon, depuis longtemps ça a été montré, hein, et historicisable, ça veut dire que finalement il faut reconstruire, voilà, c'est ça l'histoire, la genèse de ce rapport social de sexe, qui n'est pas ni éternel, ni toujours égal à lui-même, qui se transforme historiquement, ce qui ne veut pas dire qu'il s'abolit, mais il se transforme, il prend des formes nouvelles qui sont difficiles d'ailleurs justement à déchiffrer, à identifier. Difficile de savoir, hein, le sens de l'évolution des rapports de sexe, notamment dans la deuxième moitié du XXe siècle. On ne peut pas nier que d'un côté il y a une égalisation, et en particulier sur le plan du droit, sur le plan légal. Et en même temps, bon, voilà, force a été de constater la persistance, la permanence d'inégalités structurelles qui permettent effectivement de continuer à parler de domination masculine, voire de patriarcat. Donc historicisable, il se reproduit mais connaît des changements constants. C'est un rapport de pouvoir, bon, ça a été tellement montré et démontré, un rapport de domination. Chaque catégorie de sexe, ça c'est aussi fondamental, n'existe que dans son rapport à l'autre. On ne peut pas penser les hommes et les femmes comme des ethnies, comme des groupes, comme des êtres humains existants comme tels, indépendamment les uns des autres. C'est dans leur rapport au niveau sociétal, au niveau de la société, mais aussi au niveau de l'interaction, que ces deux catégories, et même parler de deux catégories, c'est encore une simplification, mais que ces deux ensembles, on va dire, se construisent, un petit peu comme les bourgeois et les prolétaires. Hein. Chaque catégorie n'existe que dans son rapport à l'autre. Elles se co-construisent incessamment. Donc il s'agit aussi de dire que les catégories de sexe ne sont pas des essences, ne sont pas des identités fixées, figées. Elles sont évolutives. La division sexuelle, alors c'est la thèse forte de Daniel Kergoat, hein, effectivement, la division sexuelle du travail a le statut d'enjeu des rapports sociaux de sexe. Il y a discussion, il y a controverse, il n'y a certainement pas unité au sein du champ des études genre, au sein des recherches féministes, hein, sur l'analyse du genre ou des rapports sociaux de sexe. C'est pourquoi parler de la théorie du genre, ça a été assez dit, ça n'a pas de sens. Mais pour Daniel Kergoat, effectivement, la division sexuelle du travail a le statut d'enjeu des rapports sociaux de sexe, c'est-à-dire que finalement les rapports sociaux de sexe servent d'abord, bien sûr, les dominants, mais aussi la division qu'on appelait sexuelle du travail, il faut mieux l'appeler aujourd'hui la division genrée ou sexuée du travail, C'est-à-dire finalement cette assignation aujourd'hui prioritaire des femmes au domestique étant l'un des enjeux majeurs, selon Daniel Kerguat, des rapports sociaux de sexe. Alors, la notion de genre, elle est tellement complexe, elle est tellement plurielle, elle est tellement, elle peut avoir des significations parfois tellement différentes et recouvrir des choses aussi tellement vastes. Je me réfère là, de façon un peu schématique, à Sandra Harding, mais ce sont bien sûr des présentations qu'on peut retrouver ici ou là dans nombre de travaux sur le genre. Mais avec Harding, effectivement, il y a un essai, en tout cas, d'essayer de, tout en simplifiant, hein, c'est réducteur bien sûr, mais d'identifier trois sphères majeures dans lesquelles la dimension du genre intervient massivement. Alors, la sphère du symbolisme, des représentations, de l'imaginaire, mais aussi la sphère du genre au sens du genre grammatical, celle finalement qui renvoie à notre représentation du monde, où le genre est massivement présent. La deuxième sphère, c'est la division sexuelle ou genrée du travail, et en particulier la fameuse division entre la sphère domestique et la sphère professionnelle. Et puis la troisième, c'est la construction identitaire. Donc finalement, on voit qu'il y a une façon d'essayer de montrer la transversalité du genre, aussi bien au niveau un petit peu macro, au niveau du symbolisme, au niveau des structures mentales, et puis au niveau plus micro, au niveau de la construction des personnes, en passant par l'organisation sociale, la division sociale et sexuelle genrée du travail. Donc, du côté du symbolisme, effectivement, hein, y a les travaux fondateurs de Monique Wittig sur la marque du genre. Et dès les années 70 et 80, Monique Wittig a beaucoup apporté sur cette interrogation du genre grammatical même, du genre lexical aussi, c'est-à-dire comment finalement notre langue, et en particulier le français, mais une grande partie, la plupart des langues connaissent aussi cette distinction du masculin et du féminin, notre langue, genre, le monde, l'univers finalement, dans lequel nous naissons, nous grandissons, etc., est un univers genré, hein, et genré notamment par la langue que nous utilisons, au niveau grammatical et au niveau lexical, hein, c'est-à-dire que les choses, les objets sont, en l'absence de neutre, de véritable neutre en tout cas, masculin ou les choses sont masculines ou féminines. Et en particulier, ce que Monique Wittig montrait, c'est que le genre grammatical n'est pas neutre dans le sens où il n'y a pas une symétrie entre le masculin et le féminin. Le féminin spécifie, distingue, marque la différence. Et le masculin, par contre, effectivement, renvoie à l'universel. Donc il y a une association facile du masculin et du masculin neutre, de l'universel, dans la langue française en particulier, alors que le féminin spécifie toujours, différencie une catégorie en particulier de personnes quand ça s'adresse au genre humain ou au genre animal. Alors Claire Michard, qui est plus linguiste, sociolinguiste, a développé et continué ses travaux et elle a essayé de montrer effectivement que le genre grammatical en particulier distinguait finalement non pas tellement masculin-féminin, comme si on avait affaire à deux genres, hein, au pluriel, qu'on pouvait situer au même niveau. Non, elle a montré que le masculin finalement renvoyait à humain, alors que le féminin, dans l'usage de la langue en particulier, renvoie à sexe. Et du coup, elle a développé cette idée, cette thèse forte, que homme signifie humain mâle, alors que femme signifie plutôt femelle de l'humain. Donc il s'agit de dire que la langue, le genre grammatical est très genré, bon, par définition, mais il s'agit de dire que la domination masculine, la valence différentielle des sexes sont centrales dans l'usage de la langue. Alors au niveau de la division sexuelle, genrée du travail, elle est considérée effectivement comme à la fois universelle, arbitraire et dissymétrique, et beaucoup d'autres choses encore, hein, universelle dans le sens où pas de société connue et observée montre une indifférenciation de la fameuse répartition sexuelle des tâches. Arbitraire dans le sens où la répartition est très différente et différenciée selon les cultures et les sociétés, et dissymétrique. Par contre, alors c'est Françoise Héritier notamment, hein, qui s'est efforcée de le montrer, cette répartition est toujours au bénéfice du masculin, au bénéfice des hommes. Et enfin, la construction identitaire, c'est-à-dire que le genre est une marque identitaire majeure, notamment en particulier dans nos sociétés. On le remarque assez rapidement, hein, il devient très tôt impossible de nommer un enfant en l'appelant enfant. C'est encore un masculin, hein, enfant. Mais en n'entrant pas dans les catégories de sexe, hein, où ça pose tout de suite des malentendus avec les autres. Il est joli votre garçon, ah non désolé c'est une fille, oh pardon, ou le contraire, hein, il est joli votre fille, non c'est un garçon. Donc il y a la marque du genre qui est massive et qui constitue, selon quand même pas mal de travaux sur la question, un marqueur premier de la différenciation entre les individus. Et cette marque du genre renvoyant aussi bien à la différence qu'à la hiérarchie des sexes. Donc ça veut dire que la hiérarchie est une dimension centrale du genre. Or, effectivement, beaucoup de travaux aujourd'hui, peut-être encore, puisque avec le développement de cet usage de la notion de genre, insistent sur la différenciation, sur les différences, en oubliant souvent que l'intérêt sociologique de cette notion de genre, c'est de marquer un rapport de pouvoir, une dissymétrie, une hiérarchie. Cette déconstruction, et c'est plus ça qui m'a intéressé, moi, bien sûr, hein, par rapport à comment se fait-il que ces recherches, ces travaux, ces critiques, ces ruptures, eh bien, sont apparues en France, notamment, parce que ça se passe différemment aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons, sont intervenues de la part, enfin, hors de l'université. Hein, ce sont les notions qui étaient utilisées dans les premiers travaux de Christine Delphi, de Colette Guillaumin, de Nicole-Claude Mathieu et de beaucoup d'autres. Hein. C'est-à-dire que c'est d'une position hors académique que la critique est venue, hein, dans le champ notamment sociologique, mais aussi anthropologique, en France, pour en particulier remettre en question cette confusion entre le sexe au sens naturel ou biologique du terme et le sexe social, et même pour montrer, mettre en évidence et développer les recherches empiriques progressivement sur l'indépendance du sexe par rapport au genre, voire même pour montrer l'antécédence l'antécédence du sexe par rapport au genre. Cette idée finalement que la construction sociale des hommes et des femmes, du masculin, du féminin, est aussi une construction sociale des sexes, et qu'il n'y a pas d'appréhension possible de ce qu'on appelle le sexe en dehors de nos catégories, en dehors des rapports institués entre les hommes et les femmes, même si ça ne signifie pas que le pénis, le vagin sont des pures constructions intellectuelles qui ne renvoient à aucune matérialité. Même Judith Butler, hein, est revenue un petit peu sur ses travaux initiaux sur les troubles dans le genre pour reconnaître la matérialité ou la matérialisation des sexes, mais tout en mettant en évidence la construction discursive de cette matérialité. Donc la question, effectivement, centrale, me semble-t-il, c'est et si le sexe, la sexuation, la reproduction, la grossesse, hein, les arguments souvent avancés pour maintenir coûte que coûte la fameuse différence des sexes, n'étaient que des arguments soutenant la volonté de domination masculine. Dans un contexte, effectivement, dans nos sociétés où la grossesse, notamment, occupe une place toujours plus réduite dans la vie des femmes, voire même aucune place, hein, pour toutes ces femmes qui sont de plus en plus nombreuses et qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas avoir d'enfants. Alors, voilà, l'androcentrisme, on y vient, l'androcentrisme des sciences sociales... J'ai repris la citation, enfin, l'une des citations qu'on lit dans le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, qui me paraît quand même bien illustrative de ce que ça veut dire androcentrisme, la représentation du monde, comme le monde lui-même, ça résume assez bien déjà ce que j'ai évoqué, est l'opération des hommes. Ils le décrivent du point de vue qui est le leur et qu'ils confondent avec la réalité absolue. Je trouve que c'est très clair par rapport à cette notion d'androcentrisme. Il ne s'agit pas forcément de réduire l'androcentrisme au sexisme, si on entend par sexisme une idéologie de l'inégalité des sexes. Il s'agit plutôt de parler du point de vue, finalement, qui est adopté, et pas forcément, bien sûr, volontairement, consciemment, sur le monde social, et qui reflète, alors on peut l'espérer, de moins en moins, le point de vue des hommes, c'est-à-dire le point de vue dominant. Et c'est pourquoi j'ai précisé que l'androcentrisme était un dominocentrisme. On lit cette notion sous la plume de Bourdieu, Pierre Bourdieu, mais je ne sais pas si c'est lui qui l'a inventé, mais elle me semble assez parlante, cette notion de dominocentrisme, c'est-à-dire tout simplement le point de vue sur le monde social, y compris dans les sciences sociales, est très souvent, majoritairement, voire toujours, un point de vue dominant. Donc l'androcentrisme, en fait, c'est un petit peu comme l'ethnocentrisme, l'égocentrisme, l'adultocentrisme, on en parle de plus en plus par rapport aux enfants. J'en oublie, il y en a beaucoup d'autres. Le fait de prendre le point de vue dominant sur le monde et de prendre la représentation du monde qu'on a du point de vue d'une position dominante comme étant une représentation fidèle, neutre, objective de ce monde. D'où la question de l'objectivité et de la neutralité. Alors, juste pour illustrer, mais de façon très très schématique et discutable, cette pluralité explicative, on peut l'appeler comme ça en utilisant des notions un petit peu savantes, hein, la pluralité explicative, voire même la pluralité paradigmatique, mais on va se contenter de pluralité explicative concernant cette fameuse division sexuelle ou genrée du travail, hein, et voir effectivement qu'il y a des représentations, des conceptions, des théories adossées peut-être aussi à certaines idéologies ou en tout cas à certains principes extra-scientifiques très différents et très opposés. J'en ai identifié quatre et c'est une schématisation, on va dire idéal typique, ça permet de devancer les critiques. Donc, ce sont des idéotypes, c'est-à-dire c'est une caricature, c'est une schématisation, c'est une simplification. La réalité des travaux est beaucoup plus complexe. On peut en tout cas distinguer, en utilisant cet outil, l'idéal type, au moins hein, quatre grandes visions finalement de la différence, de la division, genrée du travail ou sexuelle du travail. Alors, une première vision qu'on peut appeler culturaliste, qui a effectivement été développée en particulier dans nombre de travaux anthropologiques, qui mettait l'accent sur les phénomènes de culture, de normes, de division, de répartition sexuelle du travail, de répartition aussi symbolique. Et longtemps, ces recherches n'ont pas interrogé la hiérarchie, justement. C'est l'une des grandes critiques qui a été adressée. On peut longtemps observer, décrire la répartition des activités, du travail, de la cueillette, de la chasse, etc., sans finalement se positionner, sans même évoquer parfois la dissymétrie fondamentale dans la répartition de ces activités. Et du coup, les féministes nous diront, c'est une invisibilisation, sinon une occultation de la hiérarchie, de la dissymétrie, de la domination. Alors après, dans le paradigme ou dans la... Oui, je l'appelais comme ça, le paradigme fonctionnaliste, effectivement, les critiques sont déjà anciennes. Hein, Kate Millett a... la politique du mal, la politique des sexes, je ne sais plus, dans la traduction française, au tout début des années 70, déjà critiqué, et puis Michel André notamment, beaucoup, hein, cette approche fonctionnaliste de la division sexuelle du travail, hein, celle de Talcott Parsons notamment, qui finalement parlait de division et surtout de complémentarité des rôles de sexe, et qui présentait l'American Way of Life, la division effectivement très genrée du travail entre l'épouse, modèle, gardienne du foyer, et puis le mari, pourvoyeur de ressources, un modèle présenté effectivement comme idéal, alors qu'il apparaît aujourd'hui de plus en plus unanimement comme un modèle bien, bien ancien, bien éculé, et surtout en tout cas bien conforme à la domination masculine et à la subordination, l'exploitation des femmes et du travail domestique. Après, le paradigme marxiste, effectivement, qui a été critiqué par certains courants féministes, hein, en tout cas sur cette dimension-là, cette division sexuelle du travail étant, en résumant hein, caricaturalement, considérée comme fonctionnelle pour le régime capitaliste. Voilà, cette division et cette domination masculine étant appelée à disparaître avec le régime capitaliste. Féministes, effectivement, une partie des féministes dans les années 60-70 se sont opposées à ces visions, y compris à cette vision marxiste. On peut penser à Christine Delphi, qui a beaucoup à la fois repris le paradigme marxien tout en étant très critique à l'égard d'Engels et de Marx. La domination masculine, le patriarcat ne naissent pas avec le capitalisme et probablement ne disparaîtront pas avec l'abolition toujours reporté du capitalisme. Donc du coup, assignation, domination, exploitation patriarcale dans le paradigme féministe requérant analyse et lutte spécifique, hein, l'ennemi principal étant dans les ouvrages fondateurs de Christine Delphi, le patriarcat tout autant que le capitalisme. Alors, je vais passer sur quelques diapositives qui nous prendraient beaucoup de temps. Voilà. Peut-être pour en venir maintenant à ce qui, au cœur du problème que j'ai essayé pour ma part de creuser, d'interroger, sinon d'apporter des éléments de réponse. Là, c'est une présentation très, très succincte. Hein. J'ai développé ça beaucoup plus amplement dans mon habilitation à diriger des recherches qui date de 2012, c'est assez récent, et j'ai tiré un livre sur ces questions-là qui va paraître, là c'est sous presse, aux presses universitaires de Rennes, je pense le mois prochain raisonnablement, et qui s'appelle Position sociale et... Pensée sociologique et position sociale, où je reprends, je développe toutes ces questions sur qu'en est-il finalement des conditions sociales de l'objectivation. Peut-on se contenter de dire oui, voilà, les féministes ont, sinon réfuté, en tout cas remis en question les paradigmes dominants dans l'analyse sociologique, et ça montre bien que la sociologie n'a absolument rien de scientifique, et est-ce qu'il faut jeter, voilà, la prétention, ou en tout cas l'ambition scientifique des sciences sociales, parce qu'il s'avère que des dimensions, des pans entiers de la réalité, finalement, ont été occultés par ces mêmes travaux, ou faut-il convenir, et d'ailleurs la plupart des travaux féministes, après s'être édifiés effectivement en partie en rupture avec l'académie, avec le champ des sciences sociales, eh bien, et je pense que c'est une bonne chose, essayé et se sont efforcés et ont maintenu la lutte, y compris dans le champ académique, pour que ces problématiques trouvent leur place au sein de l'académie. Donc on peut convenir en tout cas qu'il faut sur ces questions mettre en œuvre non seulement une réflexivité au sens de Bourdieu, mais aussi une analyse critique au sens de Boudon notamment, hein, au sens de la critique scientifique. Donc moi, ce que j'appellerais une réflexivité critique, d'autant plus nécessaire, qui peut s'appuyer effectivement sur les nombreux travaux de Bourdieu et de Boudon, qu'on peut à la fois mettre dos à dos, puisque tous les deux se rejoignent au moins en partie sur cette invisibilisation du genre dans leurs travaux, et en même temps qu'on peut mettre à contribution, puisqu'ils ont étudié, pris en compte et apporté des choses majeures effectivement sur la place et l'importance de la position, des effets de position, comme disent aussi bien Bourdieu que Boudon. Hein, on peut les retrouver pas très éloignés hein, sur ces questions. La prise en compte des effets de position, des effets de disposition, aussi bien Bourdieu que Boudon, hein, Ça paraît plus paradoxal pour Boudon, hein, qui n'est pas réputé pour avoir pris en compte la dimension sociale dans l'approche de l'acteur pourtant situé. Et pourtant si, hein, il l'a fait de façon majeure aussi bien dans l'idéologie que dans l'art de se persuader notamment, et puis dans ses travaux ultérieurs. Donc on peut les utiliser, même si on peut reconnaître que tous les deux, sur cette question du genre et des rapports de sexe, eh bien, se sont montrés pour le moins discutables dans leurs travaux, et ont été discutés d'ailleurs. Donc en tout cas, voilà, on peut, et me semble-t-il, on doit reconnaître l'influence de la position sociale de sexe dans la production sociologique. En se référant plus encore qu'à Bourdieu et Boudon à Karl Mannheim, c'est en tout cas l'auteur qui, moi, constitue le fil conducteur de mes travaux. On peut se référer aussi à Ludwig Fleck, que j'ai cité tout à l'heure, un Polonais à la fois sociologue et chercheur en biologie. J'ai utilisé pour ma part beaucoup plus Karl Mannheim. Alors on peut et on doit bien sûr se référer à Colette Guillaumin, Christine Delphi, Nicole-Claude Mathieu et beaucoup d'autres chercheurs, chercheuses féministes qui ont, dès leurs travaux fondateurs, mis en question l'objectivité scientifique et se sont exprimés de leur point de vue et de vie. Là, je cite Christine Delphi, le point de vue et de vie, hein, c'est-à-dire finalement le point de vue sur le monde social, et y compris le point de vue savant, s'enracine dans la vie, dans l'expérience sociale. Mais Nicole-Claude Mathieu l'a montré aussi abondamment, et elle a une position très nuancée d'ailleurs sur cette question de l'influence du genre sur la connaissance. Il ne s'agit pas justement pour Mathieu, par exemple, de dire que le point de vue gynécocentrique, c'est-à-dire le point de vue des femmes en tant que catégorie de sexe, est surplombant, meilleur que le point de vue dominant, masculin. Il s'agit de voir que voilà, la position dominée dans les rapports de sexe a des effets sur la conscience et finalement ne facilite pas forcément la connaissance, en tout cas de la domination, même si elle favorise la connaissance de l'exploitation. Il faut s'appuyer bien sûr sur les fameuses les théories de la connaissance situées du point de vue, Sandra Harding, Donna Haraway, Sandra aussi Herzog, je crois, et beaucoup d'autres qui, dans les années 80-90, il y a eu toute une littérature croisée entre ces différents auteurs, très difficile à démêler, puisque chaque auteur a évolué dans son positionnement, dans cette question de la positionnalité des savoirs, mais en tout cas, ont apporté beaucoup d'éléments, beaucoup de questionnements sur les conditions sociales de l'objectivation. Et moi, ce qui me paraît important, c'est que tous ces débats, on peut effectivement les situer, les placer dans cette tension entre trois pôles, c'est encore réducteur, bien sûr, que j'ai appelé d'abord le scientisme positiviste. Et je signifie par là, effectivement, cet idéal, cette utopie, ou ce mythe, je ne sais pas comment il faut les appeler, du point de vue de nulle part qui habite parfois encore aujourd'hui tellement massivement les sciences sociales, cette idée d'une connaissance qui ne serait pas, qui serait inconditionnée, qui ne devrait rien à une quelconque position sociale, qui ne serait pas issue d'un certain point de vue sur le monde. Donc il y a un idéal tenace, et qui vient sans doute d'une définition à la fois ancienne, et pas seulement concienne de Comte et durkheimienne, mais sans doute qui est l'une des utopies de la recherche, c'est-à-dire essayer de produire un savoir, non pas absolu, mais qui ne serait pas relativisable par rapport à un certain point de vue adopté, et qui constitue un des pôles, alors souvent rejeté, contesté, par les travaux sur le genre, les travaux féministes en particulier. Un autre pôle, c'est le pôle marxiste ou marxien, le pôle matérialiste, on va dire, qui considère que c'est la position la plus subordonnée dans les rapports de domination, qui autorise une lucidité à la fois spéciale et meilleure. C'était le point de vue marxiste, hein, sur le point de vue du prolétariat comme étant celui qui permet de mettre en évidence l'idéologie bourgeoise. Le point de vue du prolétariat en tant que point de vue dominé étant considéré comme débarrassé du biais idéologique. Bon, je simplifie beaucoup. Et finalement, c'est ce qui a irrigué beaucoup, hein, les travaux sur la théorie de la connaissance située et du point de vue, hein, avec des nuances et même des controverses très fortes entre les unes, la tendance standpoint radicale un petit peu, hein, considérant que le point de vue dominé des femmes autorise une vision meilleure que les hommes, et puis une position point de vue un petit peu moins radicale qui du coup tend à pencher du côté du relativisme, considérant que tous les points de vue sont situés socialement, et voilà, qui risque de déboucher sur ce qu'on appelle le scepticisme. C'est le troisième pôle, relativisme, postmodernisme, la relativité des points de vue, c'est-à-dire que chaque point de vue doit être ramené à la position qu'il exprime, ce point de vue. Et le risque, c'est bien sûr le deuil, un petit peu, le deuil d'une connaissance partagée, partageable, voire même le deuil de toute discussion possible, si toute connaissance est réductible à la position qu'on occupe. Donc du coup, en résumé, il y a une tension qui est bien connue entre l'engagement et la connaissance. Alors je dis une tension, hein, je dis pas ni une contradiction, ni même un paradoxe, puisque finalement, il s'agit à la fois de dire que la connaissance du genre, la connaissance concernant les rapports sociaux de sexe doivent beaucoup, effectivement, à l'engagement, y compris à l'engagement militant. Alors, adossé, comme j'ai essayé de le formaliser, à certaines utopies, pour ne pas utiliser ce terme d'idéologie qui discrédite, tellement tendance à opposer idéologie et science. Si on dit que la pensée féministe est idéologique, pardon, c'est une façon de dire qu'elle n'est pas scientifique. Donc j'ai préféré dire qu'elle était adossée à certaines idéologies, à certaines utopies, c'est-à-dire à certains projets de société, ou plus exactement, à l'espérance d'une vie différente, d'une vie meilleure entre les individus, et pas forcément entre les hommes et les femmes. Donc, tension entre engagement et connaissance, entre militantisme et recherche. Rosemary Lagrave avait écrit un article sévère dans les actes de la recherche en sciences sociales en 1990 par rapport aux féministes qu'elle considérait comme perdant leur âme quelque part en cherchant un salut individuel dans le monde académique. Donc, tension entre militantisme et recherche. Est-ce que s'investir dans les sciences sociales, ça signifie forcément abandonner tout engagement? Et est-ce que ça signifie que l'engagement, finalement, nous aveugle? Ben non, justement. Il s'agit de dire qu'il y a une articulation qui est difficile, qui est complexe, qui est en même temps, qui peut être fructueuse, mais qui n'est pas non plus, voilà, mécanique. Alors, le dernier point, effectivement, que je voulais soulever, c'est la tension entre l'enseignement méthodologique dans nos disciplines et puis la réalité de la genèse des connaissances. Là, quand je parle de l'enseignement méthodologique, c'est le métier de sociologue, notamment, il est enseigné, et je pense que c'est pas qu'à Poitiers, c'est assez généralement, c'est ce qu'on trouve dans tout la plupart des manuels, on nous parle sans cesse de rupture, hein, rupture à l'égard du sens commun, le métier de sociologue, rupture à l'égard des prénotions, rupture à l'égard de l'idéologie. Le savant, le chercheur doit non pas s'isoler mais se socialiser à un autre monde, le monde des sociologues, et cela dit, ce faisant, il doit rompre avec ses attaches sociales, sans être pour cela un intellectuel sans attache d'ailleurs, ce qui est aussi très mal vu, cette notion est très mal vue en sociologie notamment, hein, les intellectuels sans attache qui renvoient à Mannheim. Mais Il y a une tension au niveau de l'enseignement, c'est-à-dire qu'on enseigne à la fois que la sociologie se construit en rupture avec l'engagement, avec les prénotions, avec l'idéologie, avec tout ça, et puis en même temps, finalement, paradoxalement, l'étude épistémologique et aussi qui s'inspire de la sociologie de la connaissance montre que les évolutions, les transformations du regard des sociologues doivent beaucoup à leur engagement, à leur histoire de vie, à des facteurs présentés paradoxalement comme extra-scientifiques. Donc il y a une tension là que je n'ai pas résolue parce que moi-même je peux avoir tendance à contribuer à ça. Dans l'enseignement de la sociologie, on continue facilement à, en première année, en deuxième année, en troisième année un peu moins, puis en master on remet en question ça. Attention, les choses ne sont pas si simples, mais en même temps dans l'enseignement, voilà. Il y a un effet de disciplinaire, aux deux sens du terme. La discipline sociologique, voilà, c'est une discipline avec une histoire, avec des concepts, avec des auteurs. Et puis c'est une discipline aussi dans le sens foucaldien du terme. C'est une formation, c'est un assujettissement contre lequel il faut sans doute savoir à un moment donné rompre, en s'inspirant peut-être de nombre de travaux américains qui ont convenu un peu paradoxalement que la connaissance sociologique n'était pas forcément une connaissance en rupture avec le sens commun, bien au contraire. Voilà, donc c'était juste une évocation, hein, j'en ai tout à fait conscience de toutes ces questions, hein, j'espère que ça vous a parlé et que vous avez été... Je suis prêt pour discuter avec vous.